إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون قصة موسى عليه السلام ومواجهته مع فرعون وبني إسرائيل من القصص التي تكررت كثيرا في القرآن وأما قصة ولادته فلم تذكر إلا في سورة واحدة وهي سورة القصص حيث بدأ الله هذه السورة بذكر حال فرعون مع بني إسرائيل وحال أم موسى مع ابنها الرضيع الذي ولدته فعندما ولدت أم موسى طفلها الصغير ولدته في وقت حرج حيث أصدر فيه فرعون الطاغية أمرا بقتل كل طفل ذكر يولد من بني إسرائيل وحينها أوحى الله تعالى إليها أن ترضعه فإذا خافت عليه فعليها أن تلقيه في البحر وأمرها أن لا تخف من ذلك ولا تحزن وبشرها ربها بأنه سيرده لها بل سيصبح من المرسلين ثم عندما وضعت الطفل الصغير في التابوت وألقته في البحر وصل بإرادة الله تعالى وقدرته وتدبيره إلى من يريد قتله وهو فرعون ووصل إلى بيته وقصره ولبس أن نقف وقفت موجزة مع أهم وقائع هذه القصة العظيمة ونعيش في ظلالها لحظات يسيرة لعلنا نستلهم شيئا من عبارها العبقة ودروسها المهمة لا سيما ونحن نعيش هذه الأيام تاريخ هذه القصة العظيمة حيث نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وذلك في اليوم العاشر من المحرم وما أحوجنا إلى تذكر هذه القصة وأمثالها عباد الله إخوة الإيمان تبدأ مشاهد هذه القصة ويبرز أول معالمها وتظهر أولى حلقاتها في أن فرعون طغى وبغى وتكبر وتجبر حتى تطاول على مقام الربوبية والألوهية وعاث في الأرض فسادا جعل أهلها شيعة يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وحطم الرقم القياسي في الإفساد والإجرام ولما بلغه أنه سيخرج غلام من بني إسرائيل يكون هلاكه على يدي أمر عند ذلك بقتل جميع الأبناء يشاء الله سبحانه وتعالى أن يولد موسى ابن عمران وأن ينجو من القتل بل ويتربى في بيت فرعون نفسه محروسا بعناية الله محوطا بفضله وتوفيقه حتى كبر وبلغ أشده واستوى وفي ذات يوم دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فقتل رجلا من قوم فرعون خطأ وندم على ذلك فدعا الله وسأله المغفرة فغفر الله له ثم فر هاربا إلى أهل مدين ولبث فيها سنين عددا وتزوج في أثنائها ثم عاد إلى أرضه وفي الطريق إليها أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وبعثه برسالته إلى فرعون وملئه وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة ولكن فرعون عاند وكذب وجحد وكابر وادعى أن ما جاء به موسى سحر من عنده وأنه يستطيع أن يقاومه بسحرته ف فجمع السحرة من جميع أرجاء مملكته فجاءوا بما عندهم من السحر وألقى موسى ما عنده من المعجزات عند ذلك استشاط فرعون غضبا ولجأ إلى أسلوب القوة والبطش والتهديد فأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج بمن معه من أرض فرعون فخرجوا وساروا إلى حيث أمرهم الله فلما علم فرعون بذهابهم جمع جيوشه ليلحق بهم ويقضي عليهم فانتهى موسى ومن معه من المؤمنين إلى البحر وأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر فضربه وانفتح هذا البحر المتلاطم الأمواج بقدرة الله سبحانه وتعالى طرقا يابسة كالجبال فسلكه موسى والمؤمنون معه وتبعهم فرعون وجنوده فلما خرج موسى وقومه من البحر وتكامل فرعون وجنود فيه أمر الله فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين فأهلكهم عن آخرهم وهكذا انتصر الحق وتحقق وعد الله بنصر رسله وهلاك فرعون. إن نصرة الحق وقمع الباطل نعمة كبرى ومنة عظمى تستوجب الشكر لموليها أو لمولها ولتستوجب الشكر لله عز وجل وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا استحب صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال هذا يوم عظيم. قال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيامه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, chaque croyant, chaque croyante, aujourd'hui les musulmans vivent un jour immense comme on l'a relaté et rappelé la fois dernière. Nous sommes dans ce mois, le premier mois de l'année lunaire, le mois de Al-Muharram. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du meilleur jeûne après le mois du Ramadan. Donc après le mois du Ramadan, le meilleur jeûne, c'est le jeûne du mois de Al-Muharram. C'est le fait de jeûner en ce mois. Et les musulmans du monde entier s'efforce en ce jour qui est le dixième jour du mois de Muharram qu'on appelle le jour de Ashura, s'efforce de jeûner en ce jour en remerciement pour Allah d'avoir sauvé le prophète Moussa alayhi salam et dans d'autres traditions appelé le prophète Moïse alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et en ce jour Allah subhanahu wa ta'ala avait sauvé, comme on l'a relaté précédemment, le prophète Moussa et les enfants d'Israël de l'injustice et de l'oppression de l'un des plus grands oppresseurs et tyrans que la terre n'ait jamais connu. Pharaon. Si vous regardez l'histoire de Pharaon, il est bon en ce jour de se remémorer et de se rappeler cette histoire. Qui, à travers cette histoire, ceux qui la méditent et ceux qui réfléchissent et réflexionnent sur cette histoire, verront de nombreuses leçons à tirer de cet événement immense que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans son livre. Vous savez que Moussa, le prophète Moussa, appelé Moïse dans d'autres traditions, que la paix soit sur lui, est né dans une période très dure et très difficile. En effet, Pharaon, à l'époque, avait vu que son royaume allait périr à cause d'un enfant qui allait naître au sein de son royaume. Alors, il a ordonné de tuer tous les enfants, tous les garçons de bas âge, à leur naissance, de les tuer. C'était une injustice immense et il était dit que pendant une année, il tuait tous les enfants, tous les bébés masculins, garçons. Ensuite, il se reposait une année et l'autre année, il tuait tous les enfants, tous les bébés qui naissaient et qui étaient garçons, il les tuait. Par rapport à cela, de peur que son royaume périsse. Et l'histoire de Moussa est extraordinaire et ajib et étonnante. Allah subhanahu wa ta'ala, alors que Moussa, le prophète Moussa, naquit en cette année, et lorsqu'il naquit, sa mère eut très peur. Et vous retrouvez l'histoire de Moussa qui est relatée dans différentes sourates. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Moussa, c'est l'un des prophètes qui est le plus mentionné dans le livre d'Allah, dans le Coran. Et c'est pour ça que vous voyez énormément de passages dans énormément de sourates où l'histoire de Moussa est évoquée. Il y a allusion à l'histoire de ce prophète Moussa alayhi as-salam. Mais l'histoire de sa naissance, vous la retrouvez dans seulement une sourate. C'est la sourate Al-Qasas, la sourate des récits. Vous retrouvez l'histoire de la naissance de Moussa qui est extraordinaire dans la sourate Al-Qasas. Et là, sa mère, alors qu'elle a eu peur pour Moussa, en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et a fait que le prophète Moussa va grandir dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, et quand même il va rendre le bébé Moussa à sa mère du fait que elle aura l'honneur de pouvoir allaiter son enfant Moussa alayhi as-salam. Ensuite, vous connaissez l'histoire, lorsqu'il grandit, il a grandi dans la maison même de Pharaon. Pharaon, comme on l'a dit précédemment, si vous regardez l'histoire de grands biographes, de grands historiens, ils disent que par rapport aux récits qui nous sont mentionnés dans le Coran et d'écritures anciennes dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit que Pharaon était l'un des plus grands tyrans que la terre n'ait jamais connu. L'un des plus grands corrupteurs que la terre n'ait jamais connu. Il a tenté à la vie des enfants en bas âge. Imaginez-vous, il tuait des bébés en bas âge et il prenait au service les femmes des autres. Il les prenait et les mettait à son service et torturait les gens et les faisait travailler de force. C'était une période très difficile. De ce fait, parmi les leçons à tirer très rapidement, le fait de vivre en sécurité, le fait de vivre dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est des choses qu'il faut méditer. Imaginez-vous ce peuple à l'époque, les enfants d'Israël, ce qu'ils vivaient à l'époque de Pharaon. Et ça, il faut y réfléchir. Ils travaillaient d'un travail forcé. Leurs femmes étaient mises au service de Pharaon. Leurs enfants, bébés, étaient tués, les garçons. Et ils subissaient toutes sortes de tourments et de préjudices et de torts de la part de Pharaon, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé à Moussa de transmettre le rappel et la bonne parole à Pharaon. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a destiné que Moussa et plus tard son frère Haroun deviendront prophètes et messagers. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Moussa alayhi salam, dans une autre tradition comme l'a dit précédemment le prophète Moïse, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il va l'envoyer pour rapporter un rappel, une exhortation et rappelez le bien à Pharaon, pour qu'il revienne vers le droit chemin et vers la bonté. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aurait pu faire périr Pharaon dès le départ, après son oppression. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, regardez comment notre Seigneur est clément et miséricordieux, il lui a envoyé un prophète et un messager pour lui rappeler le bien et lui prêcher la bonne parole. Lorsqu'il dit à Moussa et son frère, allez vers Pharaon et donnez-lui une parole douce. Regardez, malgré son oppression, malgré son tyrannisme, malgré son injustice envers le peuple et malgré ce qu'il subisse, Allah envoie Moussa pour lui rapporter une parole douce. Et Allah dit, peut-être qu'il se rappellera, peut-être qu'il fera preuve de piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait périr Pharaon directement. Il lui a envoyé des arguments. Il lui a envoyé un messager. Il lui a envoyé un prophète pour le faire revenir. Il lui a donné cette chance, cette occasion de pouvoir revenir vers la rectitude et améliorer ses actions, de transformer ce tyrannisme et cette oppression en justice et équité. Mais malgré cela, on le fait très brièvement, très rapidement. Le temps ne nous laisse pas le fait de pouvoir détailler. On n'a pas assez de temps pour détailler cette immense histoire qui est relatée dans différents passages du Coran et dans les anciennes écritures aussi. Et à la fin, Pharaon, malgré cela, s'est énorgueilli. Malgré cela, s'est entêté. Malgré cela, il a refusé le rappel de Moussa. Et il a oppressé tous ceux qui croyaient en Moussa, en leur disant, c'est moi votre Seigneur le plus élevé. Donc, avec son tyrannisme et l'oppression, et ses préjudices qu'il faisait subir aux gens, aussi, parmi ses injustices, il revendiquait le fait que lui était le Seigneur. Et c'est lui qui devait être adoré. Et c'est lui qui devait être obéir. Et personne ne devait croire à autre que lui sans sa propre permission. Donc la corruption de Pharaon était immense. Alors après que les croyants ont subi tous ces préjudices, tous ces torts, imaginez-vous ce qu'ils ont subi. C'est pour ça que ça c'est un grand rappel parmi les leçons à tirer lorsqu'on voit sa propre situation. Les gens se plaignent de leur propre situation alors que, alhamdoulilah, Allah leur a donné la santé, Allah leur a donné leur subsistance, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se vêtir, ils ont de quoi nourrir leurs enfants, ils ont de quoi se loger, ils ont un logement, ils vivent dans la sécurité, ils peuvent adorer leur Seigneur et leur Créateur et prier en toute sécurité, mais parfois on s'imagine des problèmes qui en fait ne sont pas des problèmes ou sont des faux problèmes. Eux vivaient des vrais problèmes, l'oppression de Pharaon. Alors ils ont patienté et le prophète Moussa alayhi salam a beaucoup enduré, a été éprouvé et a patienté et n'a jamais cessé de rappeler Pharaon. Jusqu'à un moment, il est obligé de se sauver avec les croyants. Car Pharaon voulait attenter à leur vie et les exterminer. Exterminer le prophète et le peuple d'Israël. Alors, Moussa s'est sauvé et est parti. À l'époque, cela se produit en terre actuelle d'Égypte, puisque c'était un roi d'Égypte, Pharaon. Et lorsqu'ils se sauvèrent, alors Pharaon les a poursuivis avec une immense armée. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, mais il est bon de se la relater, surtout en ce jour, puisque c'est en ce jour de Ashura qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Au moment où Moussa et les croyants ne voyaient plus d'issue, puisque lorsqu'ils se sont sauvés ensuite, ils se sont retrouvés face à la mer. La mer devant eux, et derrière eux, l'armée de Pharaon avec Pharaon. Donc ils n'avaient plus d'issue face à eux. Pour eux, c'était la fin. Et malgré cela, imaginez-vous, cette position extrêmement difficile, Moussa n'a jamais cessé de rappeler à son peuple la patience et l'endurance, et de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne délaissera pas les croyants. Et c'est à ce moment-là, vous connaissez l'histoire célèbre, immense, qui est relatée dans le livre. Allah azza wa jal a ouvert la mer et fait un passage pour le prophète Moussa et les enfants d'Israël et les croyants, pour qu'ils puissent passer. Et lorsqu'ils passèrent, ensuite Pharaon et son armée qui les poursuivaient, alors ensuite eux ont été engloutis et noyés dans cette mer. Et en ce jour immense, parce qu'imaginez-vous le contexte, imaginez-vous ce miracle immense. C'est tellement grand et immense, il y a tellement des leçons, qu'ensuite, plus tard, dans toutes les générations, les enfants d'Israël jeûnaient en ce jour. Jeûnaient en ce jour. En remerciement du Créateur d'avoir sauvé les croyants et le prophète Moussa, alayhi salam. Et de ce fait, le prophète, lorsqu'il vint à Médine, comme on l'a relaté la fois dernière, et il vit les enfants d'Israël jeûner en ce jour, il dit « jeûner ». Il a demandé aux croyants si, et commandé, ordonné aux croyants de jeûner en ce jour de Ashura. Car nous les croyants, les musulmans, nous croyons en tous les prophètes et tout ce qui a été révélé comme livre et écriture de la part de notre Créateur. Et nous, c'est un honneur immense qu'Allah nous fait quand ces jours, en ces siècles lointains de cette histoire et de cet événement qui nous est relaté dans les écrits sacrés, qu'on fasse partie de ceux qui jeûnent en ce jour et dont la récompense est immense de se voir une année de fautes et d'erreurs pardonnées de la part de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc accueillez cette bonne nouvelle, soyez heureux en ce jour. Donc ce n'est pas un jour où il faut se flageoler, se frapper, se faire du tort, se faire du mal, ça c'est interdit. C'est le jour où on jeûne, c'est le jour où on remercie notre Créateur, où on prie et on est heureux de cette guidée. Nasallaha jalla wa ala ya muqallib al qulub thabbit quluban ala dinik allahumma tawaffana muslimin allahumma tawaffana al muslimin allahumma inna nasaluka husna al khitam allahumma ahsin khitamana allahumma ahsin khitamana اللهم أحسن ختامنا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما صلوا وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. أقيم الصلاة. استو تراسوا اعتدلوا أتموا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. Alignez-vous rangs les frères, cheville contre cheville, épaule contre épaule. Les femmes de même, là-haut dans la salle. Alignez-vous rangs, faites de la place. Alignez vos rangs, cheville contre cheville, épaule contre épaule, comme c'était en vigueur à l'époque de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste un petit rappel, on remercie les frères qui sont à l'extérieur pour patienter et prier après la fin de la prière. Et les fidèles aussi qui sont à l'intérieur, qui respectent toujours les bonnes consignes, qu'Allah vous récompense votre bon comportement. Et juste une demande, on essaie toujours de limiter, de ne pas trop demander, de solliciter les fidèles, les frères et les sœurs. On essaie toujours au maximum. Lorsqu'on sollicite pour une aide financière pour la mosquée, c'est vraiment, on essaie au maximum de ne pas trop solliciter. Là, lorsqu'on fait des travaux, Akram Akmallah, on a fait des travaux dans les sanitaires. C'est pour ça que les sanitaires ont été fermés ces jours-ci. Et aussi, on va faire des travaux pour la façade et d'autres endroits de la mosquée pour ceux qui veulent participer avec ce qu'ils peuvent, financièrement, avec ce qu'ils peuvent et ceux qui ne peuvent pas avec des invocations pour ces travaux-là. Qu'Allah vous récompense pour votre aide, Inch'Allah, votre aide financière et morale pour la mosquée. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.